الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture du livre Taysir al-Allam, Sharh Umdat al-Ahkam de Al-Hafid Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala et une explication de Sheikh Abdullah al-Bassam rahimahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on s'était arrêté dans le chapitre des mérites, afdal al-siyam wa ghayri, des meilleures formes de jeûne et autres, et on s'était arrêté à l'explication de quel hadith? Non. On avait terminé l'explication du 197e hadith. On commence donc aujourd'hui, on continue aujourd'hui avec l'explication du 198e hadith. قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والتسعون بعد المئة. Le 198e حديث. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه وأخرجه البخاري وأخرج البخاري الصوم فقط. Le 198e hadith. Selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit le jeûne de deux jours, al-nahr wa al-fitr, le jour du sacrifice et le jour de la rupture. Wa an ishtimal as-samma. On va laisser comme ça, et on expliquera ce que ça signifie. Et le fait que l'homme fasse al-ihtiba, et là aussi, on expliquera ce que signifie al-ihtiba dans un seul vêtement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la prière après al-subh et al-asr. Le hadith rapporté par Muslim dans son sahih, dans sa totalité, est l'imam al-Bukhari, rahimahullah, n'a cité que le jeûne. Al-Gharib, les termes qui méritent explication du hadith. Al-Ihtiba, wa huwa an yaq'ud al-rajulu ala ilyatayhi, wa yansibu saqayhi, wa yudiru alayhima thawban wahida. Thaniyan, as-samma, وهو أن يرد الرجل الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانية من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعا بثوب ليس له منافذ. الاحتباء. الشيخ البسام دي الاحتباء كي signifie le fait qu'un homme s'assied sur son postérieur. وَيَنْصِبُ سَاقَيْهِ. Et il met droit ses mollets. وَيُدِيرُ عَلَيْهِمَا ثَوْبًا وَاحِدًا. Et il entoure ses jambes d'un seul vêtement. Est-ce que vous voyez ou pas? Le fait de s'asseoir, de lever, de poser ses pieds à même le sol, ses mollets, de les poser droit en fait, et le fait de s'entourer d'un vêtement. Et l'ihtiba peut se faire aussi avec les mains, comme l'a fait le frère. Le fait de s'asseoir, de lever de poser ses pieds à même le sol, de mettre droit ses mollets et d'entourer ses jambes de ses mains. Donc ça aussi c'est une forme de ihtiba. Et on peut faire aussi l'ihtiba avec son vêtement, le vêtement que l'on porte. comme le fait le frère derrière. Il est assis, ses jambes sont droites et il recouvre ses jambes de son qamis. Ça, c'est une forme de ihtiba. As-samma, ou an ihtimal as-samma. Qu'est-ce que as-samma? As-samma, c'est le fait qu'un homme se recouvre et tourne autour de, fait tourner autour de lui un vêtement. Qu'il commence de la droite, puis qu'il rabat sur sa gauche, sur son épaule gauche, puis fait revenir ce vêtement sur sa main droite et sur son épaule droite. Ainsi, cet homme s'est entouré d'un vêtement qui a recouvert ses bras et ses épaules, de telle sorte que ses mains n'ont plus d'issue. De telle sorte que ses mains n'ont plus d'issue. Ses mains sont recouvertes. Donc, c'est une personne qui est à bras le corps, comme on dit, et qui recouvre son corps d'un vêtement. Il s'entoure d'un vêtement. Ainsi, il est pris dans ce vêtement. Ses deux épaules sont prises et ses bras sont pris et ses mains n'ont plus de moyens de mouvement. C'est ce qu'on appelle as-samma. Al-ma'na al-ijmali, le sens général du hadith. نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صيام يومين وعن لبستين وعن صلاتين فأما اليومان المحرم صومهما فيوم الفطر ويوم النحر وتقدم شيء من حكمة تحريم الصيام فيهما وأما اللبستان فاشتمال الثوب الأصم الذي ليس له منافذ فإن لبسه يضر بالصحة لعدم المنافذ المهوية فيه ولأنه عنوان الكسل والبطالة فلبسه يشل الحركة والعمل المطلوبين أما الاحتباء بثوب واحد فلأنه يخشى معه انكشاف العورة وأما الصلاتان فالصلاة بعد صلاة الصبح والصلاة بعد صلاة العصر فإن الوقتين اللذين بعدهما وقت عبادة المشركين وقد تقدم الكلام عليهما. Donc le sens général de ce hadith. Il dit rahimahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit dans ce hadith le jeûne de deux jours, de même qu'il interdit deux formes de vêtements et il interdit deux prières. Quant aux deux jours qu'il est interdit de jeûner, ce sont les jours de l'Fitr et les jours de Nahr. Le jour de l'Fitr et le jour de Nahr. Le jour de Eid al-Fitr et le jour de Eid al-Adha. Et nous avons cité dans les chapitres précédents la sagesse de l'interdiction de jeûner ces deux jours. Quant aux deux types de vêtements, فَاشْتِمَالُ الثَّوْبِ الْأَصَمِ, le fait de se recouvrir d'un vêtement qui ne laisse pas de mouvement aux mains. Car ce vêtement peut porter atteinte à la santé dans le fait qu'il n'y ait pas d'issue. Et c'est également l'emblème de la fainéantise. Et le fait de porter ce vêtement ne permet pas d'être libre de ses mouvements et ne permet pas ainsi de travailler. Or, ce sont deux choses qui sont demandées. Parmi les formes de ishtimal ou samma, déjà as-samma, ça vient de as-sakhratu samma, d'un rocher qui est samma, c'est-à-dire c'est un rocher qui est entièrement lisse et qui ne contient pas de trous. Il ne contient pas de trous, donc il n'y a pas possibilité de l'atteindre. C'est pour cela que le fait de s'entourer d'un vêtement, d'entourer ses épaules, ses bras et ses mains, revient à ressembler à ce rocher qu'on ne peut pas atteindre. Parmi les formes de ishtimal ou samma, par exemple, le fait de porter un qamis et de ne pas rentrer ses bras dans les manches. Imaginez une personne qui porte un qamis mais qui ne rentre pas ses bras dans ses manches. Est-ce que c'est une personne qui est libre de ses mouvements? Non. Il ne peut pas bouger ses mains, d'accord? Et cela peut l'amener à montrer ses parties intimes. Comment? Une personne qui porte un qamis, mais qui ne porte rien en dessous. Il porte le qamis sans mettre ses mains dans les manches. Et que, par exemple, une chose lui arrive dans son chemin, où il doit se défendre, où il doit user de ses mains. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire pour sortir sa main? Imaginez cet homme. Il va mettre sa main en dessous le qamis pour sortir sa main. Et s'il n'a rien en dessous, cela va l'amener à montrer ses parties intimes. Donc ça, ce n'est pas la chose pour laquelle cela est interdit, mais si cela l'amène à montrer ses parties intimes, cela est une interdiction. Indépendamment du fait que cela le prive de ses mouvements, il peut tomber par exemple et se faire mal, car il ne pourra pas user de ses mains pour amortir sa chute ou autre. Dans tous les cas, ishtimal ou samma n'est pas une chose qui est autorisée en islam. Pour cela que Ashir dit, فَإِنَّ لُوبْسَهُ يَضُرُّ بِالصِّحَةِ peut porter atteinte à la santé, notamment lorsqu'il chute ou autre. Puis il dit, rahimahullah, quant à l'ihtiba avec un seul vêtement, cela est interdit car il est possible que la personne montre ses parties intimes. Comment est-ce que quelqu'un qui fait l'ihtiba peut montrer ses parties intimes? Non. S'il se penche trop en arrière, s'il est assis, c'est possible. Ou sinon, une forme auquel beaucoup de gens ne font pas attention. On a dit l'ihtiba, c'est le fait de s'asseoir sur son postérieur. Je vais vous donner une forme dans laquelle on peut montrer des parties intimes. Imaginez un homme qui porte un qamis, qui est assis, d'accord? Il met ses pieds à même le sol, il recouvre ses jambes de son qamis, puis prend la partie sur laquelle il est assis de son qamis et la relève entre ses jambes. Est-ce que quelqu'un peut montrer? Donc tu es assis, tu as recouvert la partie haute de ton qamis, tu as recouvert tes jambes avec la partie haute jusqu'au mollet, puis la partie basse, tu la prends et tu la soulèves. D'accord? Imaginez quelqu'un, et cela au temps du professeur Hassam, c'était souvent le cas où, au temps du professeur Hassam, les gens ne portaient pas forcément de sous-vêtements. D'accord? Les gens ne portaient pas forcément de sous-vêtements. Donc celui qui a cette posture et ne porte pas de sous-vêtements ou autre, l'on ne verra pas certes ses parties intimes, mais on pourra en voir les formes. Or, cacher la aura, c'est cacher la partie intime, mais cacher aussi ses contours et ses formes. D'accord ? Pour cela qu'on dit que le vêtement de la femme musulmane doit être ample, de telle sorte que l'on ne voit pas ses formes, que ce ne doit pas être un vêtement qui épouse les formes du corps de la femme. Car la aura, l'on doit cacher la couleur de la peau, on ne doit pas porter de vêtements transparents, mais Les vêtements doivent être opaques, ils ne doivent pas laisser apparaître la couleur de la peau, mais également la forme des parties à cacher. Quant aux deux prières, ce sont la prière après la prière de Sobh, et ici, lorsqu'on parle des prières, c'est les prières surérogatoires. Surérogatoires. Donc les deux prières qu'a interdit le professeur Assalam, la prière après la prière de Sobh et après la prière de Al-As. Donc ce sont les prières surérogatoires. Car le moment après ces deux prières est le moment dans lequel les polythéistes font leurs adorations, notamment lorsqu'ils se prosternent devant le soleil au moment de son lever et au moment de son coucher. Nous avons déjà traité de ce sujet dans le chapitre de la prière. ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن هذه الاشياء المعدوده في الحديث ثانيا النهي عن صيام العيدين وعن الصلاه بعد الصبح والعصر من باب التحريم والنهي عن اللبستين للكراهه ما لم يغلب على الظن انكشاف العوره فيحرم ثالثا مراعاة الشارع مصالح العباد في كل شيء. Ce qu'on retient du hadith, premièrement, l'interdiction de toutes ces choses citées dans le hadith. Deuxièmement, l'interdiction de jeûner les deux jours de l'Eid. Et l'interdiction de prier après la prière de Sobh et de l'Asr, min bab al-tahrim. Et ceci est une interdiction min bab al-tahrim. Ce n'est pas quelque chose de détestable, mais c'est quelque chose d'interdit, min bab al-tahrim. Et l'interdiction des deux types de vêtements, lil karaha, que cela est détestable, à condition qu'il n'y ait pas de suspicion que le fait de porter ces vêtements puisse laisser apparaître les parties intimes, car dans ce cas, ces types de vêtements ne sont pas détestables, mais interdits. Troisièmement, le retient de ce hadith, le fait que la législation musulmane prend en compte tout ce qui est bénéfique, prend en compte le masalih al-ibad, le bienfait des serviteurs dans toute chose. Al-hadith al-tasi'u wa al-tis'un ba'd al-mi'ah. Puis l'auteur entame le 199e hadith. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا رواه البخاري ومسلم. Selon أبو سعيد الخدري رضي الله عنه, il dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloignera son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-ma'na al-ijmali. As-siyamu min al-ibadati al-badaniyati al-shaqqah. Wal-jihadu min al-ibadati al-maliyati wal-badaniyati al-sa'bah. Faman qawiya alayhima jami'a. فقام بهما في آن واحد فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم وهربا من عذابه الأليم فجزاؤه عند الله أن يبعده بصوم اليوم الواحد في سبيل الله عن النار 70 سنة وإبعاده عن النار يقتضي تقريبه من الجنة إذ ليس هناك إلا طريق للجنة وطريق للسعير. Le sens général de ce hadith. Le jeûne fait partie des adorations physiques qui sont difficiles. Et le combat dans le sentier d'Allah fait partie des adorations financières et physiques qui sont difficiles. Et celui qui a la possibilité de faire ces deux types d'adorations, à savoir le jeûne et le combat dans le sentier d'Allah, et les accomplit en même temps, fait partie de ceux qui délaissent la tranquillité de cette vie d'ici-bas et le fait de jouir ses plaisirs. Ceci en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah comme bienfait et en s'éloignant de son châtiment douloureux, subhanahu wa ta'ala. La récompense de cet homme auprès d'Allah Azza wa Jal est que par ce jeûne qu'il aura accompli, par le jeûne de ce jour qu'il aura accompli dans le sentier d'Allah, Allah Azza wa Jal, il l'éloignera de l'enfer d'une distance de 70 années. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal l'éloigne de l'enfer, cela implique qu'il le rapproche du paradis. Car il n'y a soit un chemin qui amène au paradis et un chemin qui amène en enfer. Donc si tu es éloigné du chemin qui t'emmène en enfer, c'est que tu te rapproches du chemin qui t'emmène au paradis. Et ici dans ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah ». Ici, il y a deux explications des savants. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, tend vers l'une de ces explications plus que l'autre. Certains savants ont dit « Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah », c'est-à-dire « fil jihad et fi sabilillah », celui qui jeûne tout en combattant dans le sentier d'Allah. Et d'autres savants ont dit « Celui qui jeûne un jour dans le sentier d'Allah », c'est-à-dire « celui qui jeûne en espérant la face d'Allah ». Un jeûne surérogatoire ou obligatoire dans lequel tu espères et dans lequel tu recherches la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Ma yukhadu min al-hadith, awalan fadlu siyami ibban al-jihadi fi sabilillah, wa ma yatarattabu alayhi min al-thawab al-azim. » ثانيا يقيد استحباب الصيام في سبيل الله بعدم الإضعاف عن الجهاد فإن أضعفه فالمستحب له تركه لأن الجهاد من المصالح العامة والصوم مصلحة مقصورة على الصائم وكلما عمت مصلحة العبادة كانت أولى. Ce que l'on retient de ce hadith, premièrement, le mérite de jeûner tout en combattant dans le sentier d'Allah et ce que cela implique comme immense récompense de la part d'Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, que le fait qu'il est recommandé de jeûner pendant le combat dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, cela est conditionné au fait que la personne ne s'affaiblisse pas dans son combat, que le fait qu'il jeûne ne le rendent pas faible. Car si le jeûne l'affaiblit, alors il lui est recommandé de ne pas jeûner. Car le combat dans le sentier d'Allah fait partie des bénéfices généraux. Et le fait de jeûner est un bénéfice qui profite à qui ? Au jeûneur uniquement. Et plus le bénéfice est grand, et plus il est prioritaire. Et on a vu dans les chapitres précédents la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est d'avis qu'il est autorisé pour celui qui combat dans le sentier d'Allah de ne pas jeûner le mois du Ramadan, si cela l'affaiblit et si le fait que les combattants jeûnent, si cela les rend faibles dans leur combat, alors cela est une cause légitime pour rompre leur jeûne et pour ne pas jeûner. Et là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah parle du jeûne obligatoire. ثم قال المؤلف رحمه الله باب ليلة القدر. Le chapitre de la nuit du destin. الحديث المئتان لدسنتيم حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. رواه البخاري ومسلم. الحديث الواحد بعد المئتين. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. Le chapitre de la nuit du destin. Le 200e hadith. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum, il dit que des hommes parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont vu la nuit du destin dans leur rêve. Fi sab' al-awakhir. Ils ont vu que la nuit du destin faisait partie des sept derniers jours du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je constate et je vois que vos songes se rejoignent et coïncident avec les sept derniers, c'est-à-dire les sept derniers jours du Ramadan. Celui donc qui la recherche, qu'il la recherche dans les sept derniers jours. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le 201e hadith, عن عائشة, selon عائشة رضي الله عنها, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin dans les nuits impaires des dix dernières nuits. Al-Gharib, Uru, فعل الماضي مبني للمجهول من الرؤية. ثانيا ليلة القدر، ليلة مباركة من ليالي رمضان، سميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها، وقيل لأن للطاعات فيها قدرا والمعنيان متلازمان. ثالثا العشر الأواخر، يعني الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، لأن لها فضلا ومزية. قد تواطأت، أصله أن يطأ الرجل برجله مكان وطئ من قبله، فنقلت هنا إلى معنى موافقة رؤيا الرجل لرؤيا الآخر، فتواطأت مثل توافقت لفظا ومعنى. Les termes qui méritent explication. Uru, c'est-à-dire qu'il a été montré aux compagnons la nuit du destin dans leur songe. Laylat al-Qadr, la nuit du destin. C'est une nuit bénie parmi les nuits du Ramadan. Elle a été appelée Laylat al-Qadr car elle a une immense importance et une grande place. Et il a été dit également qu'elle a été appelée Laylat al-Qadr car les adorations pendant cette nuit sont de grande valeur. Et les deux sens se valent et sont proches. Et il y a un troisième sens que Cheikh Al-Bassam rahimahullah n'a pas cité, qui est que pendant cette nuit se décide la destinée annuelle de chaque personne. Car il y a deux formes de destinée. Il y a la destinée générale qui est inscrite dans les planches préservées auprès d'Allah Azzawajal avant que nous ayons été créés. De combien d'années? De 50 000 ans. Puis il y a la prédestination annuelle qui, elle, a lieu le jour, la nuit de Laylatul Qadr. Et cela est une des significations de Laylatul Qadr, à savoir que c'est la nuit dans laquelle il y a la prédestination annuelle. Al-Ashir Awakhir, les dix dernières, c'est-à-dire les dix dernières nuits du mois du Ramadan. Car les dix dernières nuits du mois du Ramadan ont une particularité que vous connaissez tous. Qad tawata'at, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai constaté que vos songes, que vos rêves se rejoignent et coïncident. La base du mot tawata'a, c'est lorsqu'un homme suit les traces de l'homme qui l'a précédé. Lorsqu'un homme suit un autre à la trace, c'est-à-dire là où l'homme qui le précède a posé ses pieds, eh bien lui, il pose ses pieds. C'est l'origine de ce sens. Et ce mot a été utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que les songes des uns étaient les mêmes que les songes des autres, que les rêves des uns étaient en concordance et coïncidaient avec le rêve des autres. Ainsi, cela a coïncidé tant dans les sens, tant dans les termes que dans les sens. المعنى الإجمالي ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة فيها تضاعف الحسنات وتكفر السيئات وتقدر الأمور ولما علم الصحابة رضي الله عنهم فضلها وكبير منزلتها أحب الاطلاع على وقتها ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته بخلقه أخفاها عنهم ليطول تلمسهم لها في الليالي فيكثر من العبادة التي تعود عليهم بالنفع فكان الصحابة يرونها في المنام واتفقت رؤاهم على أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر فمن كان متحريا لها فليتحرها في العشر الأواخر خصوصا في أوتار تلك العشر فإنها أرجى وأرجاها وأكثرها علامات ودلالات هي ليلة 27 من رمضان فليحرص على رمضان وعشره الأخير أكثر وليلة 27 أبلغ وفقنا الله لنفحاته الكريمة. Le sens général de ce hadith. La nuit du destin est une nuit bénie et immense. Durant celle-ci, les bonnes actions sont multipliées et les péchés sont pardonnés. Et durant celle-ci, les actions ou les situations sont prédestinées. Ici, il parle de la prédestination annuelle. Et lorsque les compagnons radiallahu anhum ont pris connaissance des mérites de cette nuit du destin et de son immense valeur, ils ont voulu connaître son moment précis. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa sagesse et sa miséricorde envers ses créatures, l'a caché d'eux, afin que perdure leur recherche de cette nuit, et afin également qu'ils multiplient les adorations qui ne pourront que leur être d'un grand bénéfice. Les compagnons, radiallahu anhum, l'ont vu dans leurs rêves. Et leurs rêves se sont rejoints et ont coïncidé dans le fait que celle-ci se retrouve dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: je vois que vos songes se réunissent dans les 10. Que celui qui la recherche, qui la recherche donc dans les 10 dernières nuits. Et ce est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Khususan fi awtari tilka al-ashr. Et surtout dans les nuits impaires de ces 10 dernières nuits. Et ici, Cheikh Al-Bassam, rahimahullah, parle des 10 dernières nuits. Car, dans d'autres hadiths, ce sont les 10 dernières nuits qui sont stipulées. Or ici, dans le hadith de Abdullah ibn Omar, le professeur Hassan a dit, recherchez-la dans les nuit impaire des sept dernières nuits. Et on a dit que dans le sens, lorsque Cheikh al-Bassam, rahimahullah, cite le sens général du hadith, il le cite en prenant en compte l'ensemble des hadiths, même s'ils ne sont pas rapportés dans Umdat al-Ahkam. Et donc de rechercher cette nuit du destin dans les nuits impaires des dix dernières nuits. Car ce sont les nuits dans lesquelles il y a plus de probabilité de tomber sur la nuit du destin. Et la nuit qui est la plus probable est celle sur laquelle il y a le plus de signes et de preuves est la 27e nuit du Ramadan. Que le musulman profite donc du mois du Ramadan et qu'il profite encore plus des 10 dernières nuits et qu'il profite de façon plus prononcée de la 27e nuit. Qu'Allah nous facilite à bénéficier de ces bénédictions. Ikhtilaf al-ulama, la divergence des savants. Ikhtilaf al-ulama ou fi ta'yin laylat al-qadri wa haka fiha al-hafidh ibn Hajar fi fath al-bari 47 qawla. وقد قصد بذلك المشاركة في إبهامها وتعميقها ولكنه رجح منها أنها في أوتار العشر الأخيرة من رمضان وقال الإمام أحمد أرجاها ليلة 27 وهذا القول أرجحها دليلا. La divergence des savants. Les savants ont divergé sur la définition de la nuit du destin. Quelle est cette nuit du destin? Quand a-t-elle lieu? Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, dans son livre Fathul Bari, a cité 47 avis de savants. Et il les a cités, rahimahullah, pour participer dans le fait que celle-ci n'est pas connue. Et que la nuit du destin n'est pas défini de façon précise. Mais il a sorti, ou il a fait prévaloir, l'avis que cette nuit du destin a lieu dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits du Ramadan. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit « Arjaha », celle qui est la plus probable. Et lorsque l'imam Ahmed, rahimahullah, a dit « Arjaha », la plus probable, cela ne signifie pas que c'est une certitude. Parce qu'on dit probable, c'est qu'il se peut qu'elle le soit, comme il se peut qu'elle ne le soit pas. Il dit, l'imam Ahmed, rahimahullah, il est probable, il est plus probable que ce soit la 27e nuit. Et cela est l'avis qui a le plus de preuves. Ma yukhadu min al-hadith. Awalan fadlu laylatil qadr. لما ميزها الله تعالى من ابتداء نزول القرآن وتقدير الأمور وتنزيل الملائكة الكرام فيها فصارت في العبادة عن 1000 شهر لمزيد المضاعفة. ثانيا إن الله تبارك وتعالى من حكمته ورحمته أخفاها ليجد الناس في العبادة طلبا لها فيكثر ثوابهم. On retient de ce hadith plusieurs choses. La première, le mérite de la nuit du destin. Et le fait qu'Allah Azzawajal ait fait que c'est pendant cette nuit que le Coran a commencé à descendre. Et que c'est pendant cette nuit qu'il y a la prédestination des différents faits. Et c'est dans cette nuit que les anges bénis descendent. Une adoration qui est accomplie pendant cette nuit revient à l'adoration de 1000 mois, car une adoration accomplie dans cette nuit est décuplée et multipliée. Deuxièmement, Allah Azzawajal, de par sa sagesse et sa miséricorde, a caché cette nuit du destin, afin que les gens soient sérieux dans leurs adorations en recherchant cette nuit du destin et afin également que leur récompense soit grande. Car plus une personne adore Allah avec sérieux et plus sa récompense est grande et soit d'une sagesse divine d'Allah Azzawajal. Il veut que ses serviteurs aient en leur possession le plus de bonnes actions possibles. Thalithan, إنها في رمضان وفي العشر الأخير أقرب خصوصا ليلة 27. Troisièmement, on retient de ce hadith que la nuit du destin a lieu pendant le mois du Ramadan et de façon plus précise dans les 10 dernières nuits et de façon particulière la 27e nuit. رابعاً إن الرؤية الصالحة حق يعمل بها إذا لم تخالف القواعد الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تواطؤ رؤياهم على أنها في العشر الأخير دليلا على كونها فيها. Quatrièmement, que les songes vertueux sont vérité et qu'ils peuvent être mis en pratique à condition qu'ils ne contredisent pas les règles juridiques. Sachant que, parmi les règles, c'est que l'on ne déduit jamais un jugement d'un rêve. Que tu vois, par exemple, dans un rêve, que tu as fait telle et telle chose, ou que tu as vu une personne vertueuse faire telle et telle chose, donc cette chose est autorisée. Ou il ne l'a pas fait, donc cette chose est interdite. On ne déduit jamais de jugement religieux à travers un rêve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait considéré que les rêves de ses compagnons coïncidait avec les 10 dernières nuits, cela est une preuve qu'elle en faisait partie. Et ici, une faïda que l'on peut dire est que cela est légiféré car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi vu la nuit du destin dans son rêve. Or, les rêves des prophètes sont vérité. Or, les rêves des prophètes sont vérité. خامساً استحباب طلبها والتعرض فيها لنفحات الله تعالى فهي ليلة مباركة تضاعف فيها الأعمال ويستجاب فيها الدعاء ويسمع النداء والمحروم من حرم طلبها والتعرض لرحمة الله في مظنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. قال ابن القيم إذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا فإنه ليس من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة وأما ليالي عشر رمضان فهي الليالي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحييها كلها فمن أجاب بغير هذا التفصيل لم يمكنه أن يدلي بحجة صحيحة. Cinquièmement, on tient de ce hadith qu'il est recommandé de rechercher la nuit du destin et le fait de vouloir profiter des bénédictions d'Allah Azzawajal durant celle-ci. Car c'est une nuit bénie, une nuit dans laquelle les bonnes actions sont multipliées, une nuit dans laquelle les invocations sont exaucées. Et celui qui est privé, le véritable privé, est celui qui est privé de la recherche de cette nuit du destin et le fait de profiter de la miséricorde d'Allah Azzawajal pendant celle-ci. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, les dix premiers jours de Dhul-Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du Ramadan. Et les 10 dernières nuits du Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Dhul-Hijjah. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit « Lorsque médite le doué d'intelligence sur cette réponse, la réponse de qui ?» De Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, qui dit que les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours du Ramadan. Et les 10 dernières nuits du Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Dhul-Hijjah. Al-Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a dit, lorsque le doué d'intelligence réfléchit et médite sur cette réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il considérera cette réponse comme amplement suffisante. Car il n'y a pas des actes accomplis plus aimés chez Allah que les actes accomplis pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas des actes plus aimés chez Allah que les adorations accomplies pendant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Quant aux 10 dernières nuits du Ramadan, ce sont les nuits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait entièrement. C'est des nuits dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas. Cela prouve que quelles sont les 10 meilleures nuits de l'année, car ce sont les 10 nuits dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait pas entièrement. Et ceci était propre à ces 10 dernières nuits du Ramadan. Puis il dit, Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, celui qui répond par bighayri hada at-tafsil, par une précision autre que celle-ci, ne pourra pas l'argumenter avec une preuve authentique. Je voulais finir le chapitre de Bab Laylatul Qadr, mais le temps ne le permettra pas. On s'arrêtera donc à ce 201e hadith, Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine. Les habitudes ne changent pas, les bonnes habitudes ne changent pas. Pour la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, il y aura les hadiths 198, 199, 200 et 201 à apprendre, Inch'Allah ta'ala, soit 4 hadiths à apprendre en 7 jours. Est-ce que c'est faisable ou pas? Oui ou non? Naam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.